Bye bye la baignoire, bonjour la douche. Moi j'appuie sur une touche et je prends rendez-vous aussitôt pour qu'un artisan s'occupe de mes travaux. C'est easy. Prendre rendez-vous en ligne avec un artisan qualifié pour des travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Easy by EDF. Informations et conditions sur easy.edf.fr. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quel modèle économique pour la transition écologique? Faites donc un petit tour dans les librairies à la recherche de livres de prospective en matière d'économie, d'environnement ou d'énergie et lisez leur quatrième de couverture. Vous ne tarderez pas à reconnaître l'air du temps. Globalement, ce n'est pas la joie dans les rayons. On est vraiment loin de la chaude ambiance de la réunion annuelle, de l'amicale sartoise, de la rillette joyeuse. L'idée d'avenir n'a plus que de pâles couleurs, et les rêves collectifs font allègrement grise mine. Mais on voit quand même ressurgir, ça et là, l'hypothèse ou la conviction qu'un salut demeure possible. Preuve que les temps mauvais stimulent à la fois les apocalypses et les annonciations, même si c'est en proportion inégale. Selon les thèses les plus alarmistes, c'est simple, les vieilles terreurs millénaristes auraient désormais un fondement rationnel. Le monde serait au bord du volcan et menacerait de sombrer dans la lave bouillonnante. Selon leurs auteurs, jamais Homo sapiens n'acquerra la sagesse dont il se vante. Aucune réflexion, aucune connaissance n'aura un impact suffisant sur ses comportements, car il inventera toujours des ruses intellectuelles pour ne pas croire ce qu'il sait. Même averti, éclairé, même sermonné, il continuera à gaspiller, voire à saccager les ultimes ressources naturelles. Si ce sont ces savapétistes qui ont raison, alors notre avenir s'annonce sérieusement bouché, autant sans doute que celui des dinosaures en leur temps. En face d'eux, il y a les optimistes, moins nombreux. Les optimistes au sens de Jean d'Ormesson, qui disait « Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille ». Eux se défendent de toute inquiétude, jure que nous trouverons des solutions qui ne bouleverseront ni nos modes de vie, ni nos valeurs fondamentales. Tout continuera, tant bien que mal, en dépit de quelques perturbations et adaptations prévisibles, et l'humanité s'en sortira comme elle a toujours fait. Si ce sont ces zélotes de la félicité planante qui ont raison, alors dans quelques décennies, il sera possible à des étudiants de consacrer des thèses d'histoire à l'angoisse absurde qui a saisi au XXIe siècle une société riche et puissante comme la nôtre, brusquement traversée par le spectre de l'effondrement. De tels débats apparaissent comme une sorte d'écho eschatologique au débat économique qui oppose partisans et adversaires de la croissance. Notre société de consommation a déjà affronté de nombreux assauts. Certains ont dénoncé ses lacunes, ses béances, les îlots de pauvreté au milieu de la richesse. D'autres ont vitupéré la barbarie de l'ère industrielle, l'exploitation des individus, la pollution de l'atmosphère et des océans. Mais aujourd'hui, l'argument des objecteurs de croissance est plus simple. L'économie a besoin pour croître de ressources, notamment énergétiques. Celles-ci étant limitées, la croissance est une impossibilité physique à long terme. Dès lors, comment pouvons-nous continuer à vouloir l'accroissement de la production, qui implique de surcroît une augmentation de la pollution, une diminution des emplois et même du plaisir à travailler? Il faudrait plutôt opter pour la décroissance, seule voie pour sauver l'humanité des excès de l'humanité, en commençant par décoloniser nos imaginaires galvanisés par les publicitaires. Il s'agirait en somme d'aller vers ce que Samuel Beckett appelait le « lessness », c'est-à-dire aller vers le plus de moins de choses, si l'on peut dire. En face, les partisans de la croissance défendent quant à eux l'idée que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à la désirer, cette croissance, car la décroissance nous exposerait à plus de pauvreté, à plus de chômage, et elle rendrait impossible toute protection de l'environnement. Quand on met ces arguments opposés ensemble, que constate-t-on? Que le développement de la société est un cercle vicieux. Le mouvement continu de ce cercle n'est possible qu'à la condition que la croissance ne s'arrête pas. Or, le combustible de cette croissance, lui, risque de s'épuiser un jour. D'où la question qui fera notre miel pendant une heure. Comment pourrions-nous dépasser cette contradiction douloureuse? Et pour répondre à cette question, j'ai invité Gaël Giraud. Bonjour. Bonjour. Gaël Giraud, vous êtes économiste, spécialiste en économie mathématique. Vous avez été le chef économiste de l'Agence française de développement. Et vous êtes par ailleurs, en même temps aussi, je ne sais pas ce qu'il faut dire, prêtre catholique. Vous êtes entré chez les jésuites en 2004. Et vous nous direz peut-être en quoi ces deux façons de vous présenter, ces deux sortes de vie, se relient-elles? Est-ce qu'elles se superposent? Est-ce qu'elles se complètent? Est-ce qu'elles se combattent? Ou est-ce qu'elles ne forment en fait qu'une seule et même vie? Mais j'ai appris, en préparant cette émission, que vous avez écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « Chemin vers la soif », que j'ai le souvenir de ne pas avoir vue. Alors de quoi parle-t-elle ? « Chemin vers la soif », c'est une pièce que j'ai écrite en 2010, qui a été jouée à Paris, à Lyon, à Tours, par des amis, à la fois des comédiens professionnels, une metteur en scène extraordinaire, Valérie Casteljordi, et des jésuites, des comédiens amateurs jésuites qui ont joué sur scène. Elle raconte une version transposée de la vie de Saint Ignace de Loyola, qui est le fondateur des jésuites au XVIe siècle, donc la vie transposée d'Ignace à l'époque contemporaine. Et la visée de la pièce, pour la... de le dire en quelques mots, c'est d'essayer d'aider le spectateur à faire lui aussi l'expérience spirituelle fondatrice des jésuites, de la Compagnie de Jésus, qui est d'apprendre à discerner dans sa vie l'action très discrète, mais très profonde de Dieu. Ignace, au fond, c'est un gars qui est un soldat, qui est très très valeureux, mais aussi très ambitieux, qui reçoit un gros boulet de canon dans une bataille à Pamplune, qui le cloue au lit pendant plusieurs mois et qui, sur son lit de convalescence, fait une expérience inouïe, c'est-à-dire qu'il apprend à distinguer entre les moments d'exaltation qui le laissent froid et sec après coup et les moments de joie profonde qui continuent de maintenir quelque chose de l'ordre de la paix, de la confiance, de l'être, de la vie en lui. Mais il se rend compte, et c'est ça qui est fondamental, que sur le moment, il est incapable de distinguer entre les deux. C'est après coup, ex post, qu'il apprend à juger de l'arbre à son fruit. Bon. Et donc il entre à ce moment-là dans un cheminement spirituel qui va le conduire jusqu'à la fondation de la compagnie. Et à l'écriture d'un livre qui s'appelle « Exercice spirituel ». Voilà, et la rédaction d'un petit livret qui s'appelle « Exercice spirituel », qui est le petit livret qu'on utilise, si je puis dire, pour animer, diriger, faire des retraites, selon l'esprit d'Ignace. Voilà. En fait, le truc fondateur dans cet aspect-là, c'est de comprendre qu'il se passe des choses dans ma vie que je ne suis pas capable de déchiffrer sur le moment, mais pour lesquelles j'ai besoin du temps long afin d'en discerner le sens petit à petit. Alors j'ai oublié de dire en vous présentant, Gaël Giraud, que vous êtes le président d'honneur de l'Institut Rousseau, qui se définit comme étant apartisan, indépendant des partis, au croisement de la social-démocratie, de l'écologie et de la pensée républicaine. Oui. C'est quand même une ligne assez difficile à tenir. Ah, pourquoi? Non, c'est un think tank que nous avons créé en mars dernier, juste avant le début du confinement en France. Le diagnostic sous-jacent, c'est la social-démocratie façon deuxième gauche est incapable de proposer une alternative au grand programme de privatisation du monde qui anime aujourd'hui le néolibéralisme. Et donc, il y a quelque chose à reconstruire, à réarticuler entre d'un côté l'impératif écologique qui est devant nous, de l'autre la promesse, disons, d'une société meilleure qui était celle, en fait, de la social-démocratie, et, par ailleurs, les défis qui nous sont lancés par la faculté destructrice incroyable de l'idéologie néolibérale aujourd'hui. Et ça passe notamment par l'articulation de l'idée de la transition écologique, de ce projet de société qu'est la transition, la reconstruction écologique de notre pays, avec une certaine représentation de la souveraineté de l'État. L'Institut Rousseau est convaincu qu'il faut repasser par une revalorisation de l'État, d'un État stratège, souverain, qui incarne la défense de l'intérêt général de long terme, pour pouvoir mettre en œuvre la promesse écologique. Alors, on va y revenir, mais en préparant cette émission, à nouveau, je suis tombé sur une interview de vous assez récente, dans laquelle vous dites « La gauche s'est laissée fasciner par les marchés financiers ». À l'époque, la banque lui offrait le visage trompeur d'une société sans classe sociale, sans col bleu et sans usine. Comme elle était fatiguée du conflit social, elle a cru que la banque apporterait avec elle le dépassement de la lutte des classes. C'était un mirage. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui me fascine parce que j'ai mis des années à comprendre comment il se fait qu'en France, mais aussi aux États-Unis par exemple, c'est essentiellement des gouvernements dits de gauche qui ont favorisé la libéralisation des marchés financiers et qui ont fait passer les réformes qui ont conduit par exemple à la création de ces grands monstres bancaires qui aujourd'hui sont nos grandes banques systémiques, hein, les quatre banques mixtes françaises qui sont too big to fail, donc qui exercent un chantage colossal sur la société française aujourd'hui. Tout ça, ce sont des réformes inscrites dans le droit qui ont été passé par des gouvernements dits de gauche. Et je crois que l'explication, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a une certaine droite française plutôt industrialiste qui n'a jamais été complètement séduite par les marchés financiers, alors qu'il y a une certaine, disons, une aile droite de la social-démocratie française qui, elle, a été littéralement fascinée et qui a complètement détourné le projet européen en dévoyant l'idée d'une Europe politique vers une Europe des marchés, qui est essentiellement une Europe des banques aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui le prix à payer de ceci, qui est colossal, et qui d'ailleurs pourrait remettre en cause le projet européen lui-même. Donc je crois que c'est ça. Excusez mon incompétence, mais qu'est-ce que vous appelez une banque mixte ? Une banque mixte, c'est une banque qui articule à la fois le métier traditionnel de la banque, celui que vous avez au coin de la rue, qui est une banque qui vous fait des crédits et qui accueille vos dépôts, avec le métier de la banque de marché qui va spéculer sur les marchés financiers. Traditionnellement, ces deux métiers sont complètement séparés et c'est une très bonne chose parce que la banque de marché, typiquement, fait souvent d'énormes pertes. Elle prend des risques. Elle prend des risques et c'est son métier, c'est son boulot. Alors que la banque de dépôt et de crédit exerce un métier tout à fait tranquille, mais un métier fondamental pour l'économie réelle puisque c'est elle qui prête à l'économie réelle. Et puis, au cours des années 90, essentiellement sous l'impulsion de quelqu'un qui était à ce moment-là le PDG de BNP Paribas, Michel Pébrot, nous avons en France fusionné les deux métiers, en créant des monstres comme BNP Paribas. Paribas était une pure banque de marché, BNP était une banque essentiellement de crédit et de dépôt, et on a fait cette hybridation étrange qui a pour effet que lorsque le département marché de la banque mixte fait des pertes colossales, il se repaye sur le département dépôt-crédit. Et la conséquence politique de ceci, c'est que si vous avez la banque mixte qui est proche du gouffre, proche de faire faillite, par exemple parce que vous avez une grande crise en 2008, ou bien la prochaine, puisque nous sommes de nouveau sur une gigantesque bulle spéculative qui crèvera un jour ou l'autre, l'État est condamné à devoir sauver la banque mixte pour sauver les comptes de dépôt des déposants français. Pourquoi ? Parce qu'il y a une garantie qui est inscrite dans la loi de 100 000 euros par compte par français, dans chaque banque, et En vérité, si BNP Paribas faisait faillite demain matin, l'État français serait incapable d'honorer cette garantie. Il serait lui-même en faillite. Il serait lui-même en faillite. Oui. Et donc, les banques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se transforment en visiteurs du soir à l'Élysée, et elles vont expliquer au président de la République que, en réalité, elles sont dans la même situation que le noyé et le maître nageur. C'est-à-dire que le noyé, c'est elle. Le maître nageur doit aller les secourir avant qu'il ne soit trop tard, sinon il va se noyer avec elle. Le maître nageur, c'est l'État. Et la conséquence de ça, c'est que l'État est pris en otage de nos grandes banques et donc obligé, en fait, de leur passer leurs derniers caprices pour éviter de courir le risque d'un jour devoir les sauver lorsqu'elles seront en faillite. Donc la solution pour remédier à ce problème fondamental, c'est de couper les banques, de les scinder et de revenir à l'État initial, qui était celui qu'on avait connu pendant des siècles, en vérité, entre la banque spéculative d'un côté et la banque de dépôt et de crédit. Et donc de revenir sur les lois que nous avons passées dans les années 90 et qui ont été passées, notamment par des gouvernements de gauche. Del Giro, on va parler d'écologie, qui est un sujet qui vous passionne et vous tourmente, si j'ai bien compris. Oui. Mais avant, je voulais vous faire réagir à un petit texte d'Einstein qu'il a écrit en 1930. À l'époque, il habitait à Berlin et il voyait dans la rue les ravages de la crise économique qui avait cours alors. Il écrit ceci. « Si quelque raison peut pousser un profane en sciences économiques tel que moi à donner son opinion sur les difficultés économiques angoissantes de notre époque, c'est assurément la confusion désespérante des diagnostics établis par les spécialistes. » D'accord avec ça, comme constat de départ. Il poursuit en disant « Ma réflexion n'est pas originale et ne représente que la conviction d'un homme indépendant et honnête, sans préjugés nationalistes, sans réflexe de classe, qui désire ardemment et exclusivement le bien de l'humanité et une organisation plus harmonieuse de l'existence humaine. » Et un peu plus loin dans ce même texte, Einstein propose, je le cite là encore, de diminuer la durée du temps de travail, de réguler les stocks de monnaie en circulation et les volumes des crédits, et de limiter légalement le prix des marchandises qui, à cause des monopoles et des cartels, se dérobent de fait aux lois de la libre concurrence. Est-ce que c'était sage ? C'est absolument sage, c'est impressionnant comme des non-économistes arrivent à dire des choses beaucoup plus intelligentes que la plupart de nous autres économistes. Ah, c'était Einstein. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas n'importe qui, c'est Einstein. Donc sur la question de la limitation de la monnaie en circulation, c'est très juste. C'est un énorme sujet aujourd'hui. On a en zone euro privatisé le pouvoir de création monétaire au sens où l'argent que vous avez dans votre compte en banque, il est créé par des banques privées. sur lesquels l'État aujourd'hui n'a plus véritablement de contrôle. La seule institution qui exerce encore un contrôle de régulation sur ces banques privées, c'est la Banque Centrale Européenne, mais elle-même a été rendue complètement indépendante du pouvoir politique, donc elle ne répond pas devant une autorité politique européenne des décisions qu'elle prend. Par exemple, sa propre gestion de la crise grecque en 2015, elle n'a pas été tenue devant un corps démocratiquement élu de rendre compte de ce qu'elle faisait. Et donc, d'une certaine manière, elle fait de la politique monétaire, mais donc de la politique, sans avoir de mandat démocratique. Et donc là, il y a un déni de démocratie en Europe qui est fondamental. Einstein a entièrement raison. Il y a un énorme sujet qui est la régulation de la quantité de monnaie en circulation, donc la régulation du crédit bancaire. Il y a un autre sujet qui est la régulation des prix. C'est extraordinaire qu'il voit juste, c'est-à-dire en vérité, y compris du point de vue de l'analyse de ce qu'on appelle l'économie néoclassique, qui est le cœur de l'économie orthodoxe, disons néolibérale. En vérité, si vous regardez attentivement la manière dont c'est écrit, y compris du côté de la formulation mathématique de ces affaires-là, il n'y a pas de distinction fondamentale entre la concurrence dite parfaite et la concurrence monopolistique, ou disons oligopolistique, à laquelle pense Einstein. Pour une raison de calcul d'IF que vous allez comprendre rapidement, peut-être pas forcément tous nos auditeurs, mais disons les économistes néoclassiques font une confusion entre la différentielle totale d'une fonction et sa dérivée partielle. Alors c'est élémentaire, mais voilà. Mais si vous prenez au sérieux le fait que, disons, le programme d'optimisation du profit du producteur devrait s'écrire, les conditions du premier ordre de ce programme devraient s'écrire avec une différentielle totale, alors vous trouvez comme solution la solution du monopole. Dit autrement, en vérité, la concurrence parfaite n'est pas du tout à la concurrence oligopolistique ce que les gaz parfaits sont aux gaz imparfaits. On n'arrivera jamais à la concurrence parfaite. Elle est inatteignable tout simplement parce que c'est un concept vide. La conséquence de ceci, c'est que lorsqu'on crée la DG Concurrence à Bruxelles et que la DG Concurrence interdit aux États européens de mettre en œuvre une politique stratégique industrialiste en privilégiant tel ou tel secteur au motif que ça violerait les sacro-saintes lois de la concurrence pure et parfaite, elle fait une énorme ânerie parce que ces lois-là n'existent pas. Nous sommes et nous serons toujours en situation de concurrence imparfaite, et c'est ce qu'avait compris Einstein. Et donc ça veut dire qu'il faut de la régulation des prix, il faut de la régulation industrielle, il faut un État qui s'engage, par exemple aujourd'hui, pour la reconstruction écologique de notre pays. Mais vous voyez, la révision idéologique, intellectuelle, même scientifique, qu'il faut opérer pour pouvoir comprendre ceci, c'est colossal. Alors c'est, en vous écoutant, je réalise ce que je savais déjà, mais que vous êtes très fort en mathématiques, vous avez un doctorat de mathématiques, et pourtant vous avez étudié les lettres et les sciences économiques et sociales. Vous êtes entré à l'École normale supérieure en 1989, je crois. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et la première chose que vous avez faite ensuite, ça a été d'enseigner les mathématiques et la physique au lycée Saint-Charles-Luanga, au Tchad. Oui, absolument. C'est un parcours étonnant. Oui, tout à fait. J'avais vraiment envie de faire les deux. Je crois que aujourd'hui, c'est vraiment un mal qui nous touche beaucoup, nous, les universitaires. C'est-à-dire qu'on a une vision du monde extrêmement cloisonnée. Et si on pense à la reconstruction écologique, on a absolument besoin des scientifiques pour donner les données du problème, comprendre les données du problème et un certain nombre de solutions. Un certain nombre de solutions qui ne sont pas compatibles avec les deux premières lois de la thermo. Il ne faut juste pas essayer de les mettre en œuvre, c'est évident. Mais on a aussi besoin des humanités et, disons, des lettres pour construire un imaginaire désirable de la transition écologique. Et c'est ça, à mon avis, qui fait défaut aujourd'hui dans nos sociétés. C'est-à-dire que très peu d'entre nous sont capables d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la société française en 2050 si on arrivait vraiment à la décarboner. Qu'est-ce que c'est qu'une société française zéro carbone ou zéro émission carbone net en 2050 et une société française désirable? Là, on a besoin des humanités pour comprendre ça. Alors, prenons les choses par le début. Qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui va se passer si on continue les affaires comme d'habitude, business as usual? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que disent, par exemple, les prédictions du GIEC, ou bien pour d'autres questions comme les ressources naturelles? Oui. Qu'est-ce qui nous attend si on continue? Il faut séparer les problèmes. Hein. Il y a différentes questions. Il y a la grande question de la raréfaction des ressources minières. Donc ça, c'était le grand thème du Club de Rome en 1972, hein, qui est toujours d'actualité. Ça renvoie par exemple à l'énorme sujet du pic du pétrole, du pic non conventionnel du pétrole, puisqu'on a atteint déjà au niveau mondial le pic conventionnel, c'est-à-dire avec des techniques conventionnelles d'extraction du pétrole, autour de 2006, avec quelque chose comme 80-90 millions de barils jour. Ce plafond a été crevé depuis lors grâce aux techniques non conventionnelles, essentiellement fracturation hydraulique de la roche. Et la grande question à plusieurs milliers de milliards qui est devant nous aujourd'hui, c'est pour quand sera le pic non conventionnel de pétrole? Il y a en gros deux tribus du côté des ingénieurs pétroliers. ceux qui vous disent c'est dans la décennie 2020, donc c'est dans les années qui viennent, et ceux qui pensent que c'est plutôt en 2060. Je rentre pas dans le débat technique lié aux réserves prouvées, pas prouvées, etc. Il faut discuter avec Jean Lahérère là-dessus. Peu importe, d'une certaine manière, ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas fait la transition écologique, nos économies sont extrêmement dépendantes du pétrole. Et nous ne savons pas faire de la croissance du PIB sans augmenter la quantité de pétrole que nous brûlons en même temps que nous faisons de la croissance. Mais ça, c'est pour être en crise, puisque pendant le confinement, oui. Le prix du pétrole était négatif. Oui, tout à fait. Mais à cause du fait qu'il y a eu une accumulation soudaine de supertankers qui étaient pleins et que personne ne demandait la livraison, parce qu'il y a eu un ralentissement pendant quelques semaines, hein, pas plus, de la consommation de pétrole. Mais ça vous dit l'extrême sensibilité de nos économies à l'approvisionnement de pétrole. Alors il y a un autre sujet là-dedans, dans cette grande et grande question de la raréfaction des ressources minières, qui est moins connue, qui est la raréfaction des métaux. Alors j'ai fait un travail avec Olivier Vidal, un géophysicien qui travaille à Grenoble, sur par exemple le cuivre. Le cuivre est l'un des métaux critiques dont probablement le pic d'extraction sera atteint au niveau mondial avant 2060. Quel que soit, on a testé plein de scénarios possibles. Bon. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que les usages industriels qu'on fait du cuivre aujourd'hui ne seront plus possibles, en tout cas pas de manière aussi massive, en 2060. Donc, un physicien comme Olivier Vidal tire la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant « Vous, les économistes, faites très attention à l'usage que vous préconisez du cuivre parce qu'on va en avoir besoin massivement dans les années qui viennent, parce que les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Donc si vous voulez faire la transition énergétique, vous allez avoir besoin d'encore plus de cuivre qu'aujourd'hui. Or, du cuivre, il va y en avoir de moins en moins dans la croûte terrestre disponible pour les usages humains. Donc ça suscite l'énorme question de comment est-ce qu'on recycle le cuivre, d'une part. Or, on ne le fait pas aujourd'hui, en tout cas pas assez. Et comment surtout on imagine une industrie low-tech, c'est-à-dire une industrie très peu gourmande en cuivre, avec, disons, un usage extrêmement modéré du cuivre, avec aussi des substituts aux utilisations industrielles du cuivre aujourd'hui. Donc ça supposerait de la R&D qu'il faut lancer massivement. Il y a des efforts d'investissement colossaux à faire pour penser aujourd'hui, disons, des produits manufacturés faciles à recycler, faciles à réutiliser, donc mettre fin à l'obsolescence programmée, avec une empreinte matérielle et en particulier métallique très faible, et surtout des substituts au cuivre. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc ça, c'est l'énorme question de la raréfaction des ressources. Mais il y en a une deuxième, tout aussi énorme, qui est l'impact du dérèglement climatique. Donc, si on ne fait rien pour répondre à votre question sur la raréfaction des ressources, eh bien, on va plafonner dans l'extraction des ressources qu'on est capable de se donner à nous-mêmes. Et du coup, on va se faire la guerre pour avoir une goutte de pétrole, on va se faire la guerre pour avoir du cuivre. Ça va arriver, on va se faire la guerre pour avoir de l'eau. Et là, il y a un nexus qui apparaît, eau, métaux rares, enfin disons ressources minières et énergie. Parce qu'on a besoin d'eau pour extraire du métal et on a besoin d'énergie pour avoir de l'eau. Exemple, la Tunisie aujourd'hui manque d'eau cruellement, comme tout le Maghreb, hein, à cause du dérèglement climatique. Et là, vous voyez une première interaction entre réchauffement d'un côté et raréfaction des ressources de l'autre. Donc la Tunisie aujourd'hui est déjà en stress hydrique majeur, comme le Maroc. Mais à la différence du Maroc, la Tunisie n'a pas autant de centrales solaires, elle n'a pas la centrale de Ouarzazate, pour lui apporter de l'énergie, pour faire de la désalinisation de l'eau de mer. Et donc, il lui faut plus d'énergie pour garantir l'accès à l'eau. Donc vous voyez le nexus, pour avoir des minerais, il vous faut de l'eau, pour les extraire, les trier. Pour avoir de l'eau, il vous faut de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il vous faut des minerais, en particulier l'énergie renouvelable, il vous faut du cuivre. Donc vous voyez que ce cercle, qui peut être un cercle vertueux, peut aussi très vite devenir un cercle vicieux, dans lequel nous sombrons parce que nous manquons de l'un des trois sommets du triangle. Là, on retrouve des conclusions qui sont analogues à celles du rapport Meadows de Rome de 1971. Mais la nouveauté, c'est le changement climatique. Alors, la nouveauté, c'est le changement climatique qui, lui, induit des transformations telluriques que les économistes, mes camarades économistes et moi-même, nous avons beaucoup de mal à comprendre. Parce que jusqu'à une date récente, et en fait encore aujourd'hui, un certain nombre d'économistes comme William Nordhaus, qui a eu le prix Nobel, continuent de répéter que plus 6 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète, à la fin du siècle, c'est juste moins 10% du PIB mondial. Mais comment il a calculé ça? Il a construit une fonction de dommage qui est sortie du chapeau de l'économiste, qu'il prétend fonder sur une quantité astronomique de travail d'ingénieur, ce qui n'est pas vrai, et qui est essentiellement complètement ad hoc. Donc il est réfuté entièrement par ce qu'on peut penser comme physicien et comme climatologue. Donc l'idée, c'est que économiquement, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, malheureusement, la vulgate qui se transmet de génération en génération depuis 30 ans, c'est que le réchauffement climatique, même pas mal, ça coûte juste 10 points de PIB, ce qui est ce que va nous coûter le confinement cette année en France. Donc évidemment, quand on vous racontait ça, un climatologue, il tombe de sa chaise, ce qui crée une division assez profonde à l'intérieur du GIEC entre les groupes, disons, 1 et 2 qui font de la science et le groupe 3 où il y a des économistes. Donc il y a un travail colossal à réaliser aujourd'hui pour réarticuler le travail des économistes, la recherche en économie, avec ce que fait la climatologie. Et là-dessus, il y a un problème épistémologique, parce que l'épistémologie de l'économie classique, disons mainstream, n'est pas compatible avec celle des sciences dites expérimentales ou des sciences dures. Les économistes conçoivent leur modèle comme étant toujours à l'équilibre. Les scientifiques conçoivent leur modèle comme étant toujours des systèmes dynamiques hors équilibre et en général non linéaires. Les économistes travaillent dans un monde où il n'y a pas d'énergie, pas de matière, où on suppose que le capital, qui est uniquement de la monnaie, et le travail suffisent à eux seuls à produire de la richesse, qui est évidemment une ânerie. Donc ils violent allègrement les deux premières lois de la thermo tous les jours. Ça ne les empêche pas de dormir. Alors qu'évidemment, il n'y a aucun modèle scientifique qui s'autoriserait à violer les deux premières lois de la thermo. Et donc, vous voyez les enjeux épistémologiques colossaux qui sont derrière la tâche qui est devant nous de réconcilier l'économie avec la science. Donc les lois de la thermo, les deux premières, c'est conservation de l'énergie. Voilà. Donc on ne peut pas créer d'énergie à partir de rien. Exactement. On peut simplement la transformer ou la faire passer d'un système à un autre système. Et puis la deuxième loi, c'est celle de la croissance de l'entropie. Oui. On ne consomme pas d'énergie, on crée de l'entropie. Quand exactement, on, quand tout on à fait. Dit qu'on en consomme, oui, en fait, oui, on crée de l'entropie. C'est le vocabulaire des économistes. Hein. Donc on dissipe de l'énergie et on la dégrade. On extrait toujours une énergie de haute qualité qu'on transforme en énergie de basse qualité, beaucoup plus dure à utiliser ensuite pour les usages humains. Voilà. Donc ces deux lois fondamentales sont complètement négligées par la plupart des modèles des économistes. Je suis en train de travailler avec un certain nombre d'amis physiciens, thermodynamiciens, sur la réconciliation des modèles macroéconomiques avec la thermo. Mais c'est un énorme chantier de recherche scientifique aujourd'hui. Mais si on reste, Gaël Giraud, aux simples prédictions du GIEC, pour ce qui est du climat, 2050 se présente comment? Si alors 2050 continue... se présente très mal. Donc si on reste sur ce que le GIEC appelle le RCP 8.5, hein, qui est donc le scénario le plus pessimiste du GIEC, disons à la fin du siècle, de toutes les manières, on a des tranches gigantesques de la planète qui deviennent invivables pour l'humanité. Parce qu'il y a des combinaisons de chaleur et d'humidité qui sont létales pour le corps humain. Et donc vous avez la totalité du bassin amazonien, de l'Amérique centrale, du bassin du Congo, du Golfe de Guinée, même de la frange est de l'Afrique de l'Est, le littoral indien et la quasi-totalité de l'Asie du Sud-Est qui sont invivables. Oui, parce qu'on parle toujours que de la température, mais en fait, l'humidité, le taux d'humidité est aussi important. Ah, c'est fondamental, parce que je suis sûr que vous avez fait l'expérience que si vous courez dans la jungle du Vietnam, même s'il ne fait que 35, c'est beaucoup plus dur que de courir dans le désert ou dans la savane du Tchad, que je connais bien, où il fait 40, mais c'est beaucoup plus sec. Et donc, la conjonction humidité de l'atmosphère et température est beaucoup plus dure à supporter pour le corps humain. Et donc, ça concernerait combien de personnes en 2050? Alors, 2050, on ne sait pas. Si elle ne bouge pas. Si on ne bouge pas, en 2050, c'est encore un peu tôt pour ces affaires-là. Disons, il y a un travail qui a été fait plus récemment que celui auquel je pensais, qui est sorti dans les PNAS, hein, les Proceedings américaines, qui regarde 2070, et c'est plus d'un milliard de personnes. Hein. De toutes les manières, la Banque mondiale... Donc un milliard de personnes qui vont être obligées de migrer. Dans des zones qui sont plus vivables. Absolument, oui, tout à fait. Alors, il y en a beaucoup, certainement, qui ne pourront pas bouger, les plus pauvres, qui vont être bloqués et qui vont mourir. Donc on se prépare des catastrophes humanitaires majeures, qui sont déjà en cours. Hein. Le Sahel est déjà dans un état catastrophique aujourd'hui. Hein. Mais le Sahel n'est pas directement concerné par la question de la conjonction humidité-chaleur, heureusement, parce qu'il ne fait pas assez humide dans le Sahel. Mais voilà, c'est ça les perspectives extrêmement tristes qui sont devant nous. Donc l'énorme enjeu, c'est d'essayer d'éviter ça. Alors quelquefois, quand je dis ça, on me dit « Mais cher Gaël, vous avez besoin de prendre des vacances, vous êtes un peu fatigué. » voilà. Parce qu'en réalité, le génie humain fera qu'on va éviter ça, on va toujours trouver une solution. Ce à quoi je réponds, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a déjà eu des catastrophes humanitaires liées au dérèglement climatique. Il y a un très beau travail qui a été fait par un historien américain qui s'appelle Mike Davis, qui a été publié en France, je crois, sous le titre de « Génocide tropicaux ». Qui a montré qu'au début des années 1890, de mémoire je crois que c'est 1893, il y a eu un gigantesque effet El Niño dans l'océan Pacifique qui a provoqué des inondations et des sécheresses au Brésil, en Afrique, en Inde et en Chine. Et à l'époque, les administrations coloniales, puisque tous ces pays étaient des colonies occidentales, ont complètement négligé le sujet et ne sont pas intervenus. Et le résultat, d'après Mike Davis, c'est 50 millions de morts au bout de quelques années. Donc c'est aussi grave que la Première Guerre mondiale. Et ce qui est étonnant, c'est que, en gros, nous, Occidentaux, nous en portons la responsabilité. Nous avons été des colons complètement négligents. Mais on n'a pas la mémoire. Mais on a perdu la mémoire de ça. C'est-à-dire qu'aucun lycéen n'apprend ça dans son livre d'histoire aujourd'hui. Donc c'est très, très impressionnant. Et donc, de mon point de vue, la grande question qui est devant nous, c'est comment faire en sorte que ça ne se répète pas? Comment éviter que l'histoire se répète dans ce type de tragédie liée au dérèglement climatique? Mais est-ce qu'on ne peut pas vous opposer non plus une sorte d'inertie qui fait que quoi qu'on fasse dans les toutes prochaines décennies, le scénario qui va advenir n'en sera pas modifié, en tout cas pas de façon visible. Je vois bien, c'est ce que vous décriviez dans votre chapeau introductif, hein, sur les pessimistes, quoi, qui disent en fait on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas du tout mon impression. Moi, mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent un peu partout. La jeune génération ne veut absolument pas reproduire le modèle ancien. Il y a une très très force de créativité de la part de la jeune génération, en Occident, mais aussi en Afrique, en Asie. Il y a des éco-villages qui se construisent un peu partout, des endroits où on essaie de vivre de manière écologiquement soutenable. On recycle l'eau, on recycle les déchets, toute l'énergie provient par exemple de panneaux photovoltaïques. On devient tous végétariens, on apprend à faire de la permaculture. Voilà, évidemment ça bouleverse complètement le mode de vie. Et donc c'est en ce sens-là que je ne suis ni un pessimiste au sens de votre chapeau, ni un optimiste. L'optimiste que vous décriviez, c'est celui qui croit qu'on va s'en sortir sans changer fondamentalement notre mode de vie. Je crois que ce qui est devant nous, c'est une bifurcation de civilisation qu'il faut entamer avec beaucoup de courage et de témérité même. Mais que si on maintient absolument le modèle ancien, on n'y arrivera pas, ça c'est certain. Mais qu'on ait la ressource, l'énergie, y compris la ressource spirituelle pour le faire, moi j'en suis convaincu. Alors on va revenir sur toutes les propositions que vous faites, Gaël Giraud, mais avant on va écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Oui. La rêverie de Debussy, interprétée par le mythique Samson François. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Gaël Giraud, vous avez choisi la rêverie de Debussy par Samson François. Outre le fait que c'est magnifique, est-ce qu'il y a une autre raison qui vous a conduit vers ce choix ? Oui, c'est une musique absolument sublime. Je suis content qu'on ait pu entendre ça aujourd'hui. Parce qu'on n'entend plus beaucoup Samson François, ça a été le grand pianiste français de l'après-guerre. Et je crois qu'il a un jeu absolument inimitable. La raison profonde pour laquelle j'ai choisi ce morceau, c'est que c'est une musique de la tendresse, qui à mon avis est une expérience spirituelle aujourd'hui, au sens où si vous pensez à un livre de l'Ancien Testament, le premier livre des Rois, au chapitre 19, vous avez le grand prophète Élie qui fait une expérience de la rencontre de Dieu sur le mont Horeb. Donc il est poursuivi par des politiques qui veulent sa peau parce qu'il a dit des choses pas gentilles sur le gouvernement. Et il s'enfuit, il traverse le désert, et il trouve un refuge sur le mont Horeb, qui est le lieu où on rencontre Dieu. Et là, en fait, Dieu se présente à lui. Mais d'abord, il y a un gigantesque tremblement de terre, puis il fait l'expérience que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a un incendie, il y a un feu terrible, Dieu n'est pas dans le feu. Puis il y a un orage, Dieu n'est pas dans le tonnerre. Et puis, vient le murmure d'une brise légère, et là, Élie se couvre le visage parce que là, il reconnaît Dieu. Et donc, je crois que ce qu'on entend dans cette rêverie, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui nous donne quelque chose de l'ordre de la joie profonde, et ça fait écho à ce que je disais sur Saint-Ignace au tout début de l'émission, c'est pas dans le tonnerre, c'est pas dans l'hystérie, c'est pas dans l'excitation, c'est dans le murmure imperceptible d'une brise légère. Magnifique. Alors, on entend dans ce que vous dites le fait que vous essayez d'explorer les aspects éthiques, voire théologiques, des sciences économiques. Oui. Est-ce que c'est simple ? Non, c'est pas simple, mais c'est fondamental parce qu'en réalité, il y a un vrai impensé théologique dans l'économie. L'économie contemporaine, c'est de la mauvaise théologie. Vraiment. En fait, l'économie s'est désolidarisée du droit au cours du XXe siècle. Et le droit lui-même provient en vérité de la théologie. Le droit contemporain, c'est une réécriture sécularisée du droit canonique qui a été rédigé pour la première fois au XIe siècle, après la découverte du codex de Justinien, donc du grand droit romain. Donc au fond, la civilisation européenne, on pourrait dire occidentale, elle est construite sur ce que quelqu'un comme Pierre Legendre, le grand anthropologue français, appelait la deuxième Bible, la seconde Bible, qui est le monument romano-canoniste, c'est-à-dire du droit romain et du droit canon, rédigé après la réforme grégorienne de 1075. Et l'économie vient de ça. Par exemple, la partition classique chez les économistes entre les biens privés d'un côté et les biens publics de l'autre, les biens privés qui relèvent de la sphère marchande, les biens publics qui relèvent de l'État, c'est une partition qui provient du droit, entre la res privata d'un côté et la res publica de l'autre. Au passage, d'ailleurs, les économistes ont oublié une catégorie fondamentale qui était placée par les Romains au sommet de la hiérarchie de tous les biens, qui s'appelle la res communis, donc les biens communs, les choses communes, les communs. Voilà. Et donc, il y a un vrai travail aujourd'hui de relecture de l'impensé, de l'inconscient théologique qui chemine souterrainement en économie pour faire ressortir ce que les économistes contemporains mainstream oublient complètement dans leur vision complètement, disons. J'ai l'impression que vous pourriez parler des heures de ce sujet. Oui, oui. La notion de comment, je me suis laissé dire que vous alliez passer une thèse de théologie. Absolument. Sur ces questions, après avoir passé une thèse de mathématiques. Oui, il y a longtemps. Alors, qu'est-ce que vous appelez les communs? Les communs, donc, c'est une autre catégorie de ressources qui sont des ressources partagées, qui sont fragiles au sens où si je la privatise, je la détruis, mais qui ne peuvent pas, qui ont besoin d'une gestion collective pour être sauvées. Donc, typiquement, vous pensez à un étang géré par une tribu guinéenne que j'ai visitée pas très loin de Nzélékolé, là où il y avait l'épicentre de l'épidémie Ebola en 2014-2015. Donc, cette tribu-là vit dans la forêt, donc ne peut pas faire d'élevage de bétail, et puis vit trop loin de la côte pour pouvoir pêcher, donc elle a un manque d'apport en protéines chroniques. Et du coup, la solution pour elle, c'est la pisciculture. Et l'Agence française de développement, pour laquelle j'ai travaillé comme chef économiste, finance des projets de pisciculture pour ces populations. Or, c'est une zone où il n'y a pas d'électricité. Et donc, lorsque vous décidez de sortir le poisson, c'est un geste très très fort, parce qu'il faut le consommer le jour même, sinon il est perdu. Voilà. Et donc, ces étangs-là font l'objet d'une gestion collective, en vérité. Si vous les privatisez, c'est-à-dire si chacun s'auto-attribue le droit d'aller pêcher, de braconner la nuit, vous détruisez la ressource, il n'y a plus de poissons. Et c'est pas l'État qui va gérer ces étangs. Et donc c'est autre chose, c'est une troisième catégorie, c'est un tiers, qui sort de la partition État-marché, et qui a besoin, pour pouvoir prospérer, d'une créativité institutionnelle inouïe, que ces paysans guinéens ont réussi à mettre en œuvre. Donc la personne qui a travaillé sur ces sujets-là, qui est très connue aujourd'hui, c'est Elinor Ostrom, hein, qui a eu le prix Nobel d'économie, paradoxalement, en 2009. C'était la première fois à avoir eu le prix Nobel d'économie. Mais qui, elle, venait des sciences politiques, elle venait pas de l'économie. Voilà. Et donc, moi, ma position, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec le confinement et la pandémie, on a fait l'expérience que la santé est un commun mondial. C'est-à-dire que la santé d'une famille, d'une riche famille chinoise du Wuhan, qui consomme du pangolin, ça concerne la santé de la totalité de l'humanité. Donc on est tous dans une espèce d'interdépendance globale, globalisée. Ce qui veut dire que on peut pas privatiser la santé. Si vous voulez privatiser la santé, par exemple, si demain on avait la mauvaise idée en France de vouloir privatiser l'hôpital public, eh bien on se défendrait, on se rendrait impossible d'avoir une réponse articulée à des pandémies comme celle du virus. Pourquoi ? Parce que on donnerait un coût irréductible à la santé que les plus pauvres ne pourront jamais acquitter. Et donc les plus pauvres vont récupérer le virus et vont de nouveau le transmettre à tous les autres, y compris Boris Johnson. Voilà. Donc on ne peut pas privatiser la santé. Mais on voit bien qu'au niveau mondial, on ne peut pas demander à un super État mondial de gérer la santé de l'humanité, heureusement. Pour l'instant, Xi Jinping n'est pas encore le maître du monde, heureusement. Donc il faut inventer autre chose. On a vu que l'OMS, ça suffit pas, ça marche plus. Ça, c'est la régulation multilatérale des Nations Unies, d'après-guerre. Il faut inventer autre chose. Alors il existe en réalité des initiatives extraordinaires, comme par exemple DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est un conglomérat qui a été construit par des médecins français, qui venaient de mémoire de Médecins du Monde ou de Médecins Sans Frontières, qui est un conglomérat dans lequel vous mettez autour de la table des États souverains, des représentants de l'industrie pharmaceutique privée, des ONG, qui travaillent ensemble, en bonne intelligence, pour produire des thérapies pour des maladies négligées par le secteur privé. Par exemple, l'hépatite C en Égypte, laquelle est vendue par DNDI pour $400 contre 3 000 euros en Europe. Et donc ça, c'est la preuve qu'on est capable de faire dialoguer ces trois grands partenaires que sont l'État d'un côté, le privé et la sphère, la société civile, les ONG, et on est capable de résoudre des problèmes qu'aucun des trois séparément n'est capable de résoudre. Donc c'est dans la coopération, l'apprentissage de cette coopération, qu'on arrive à transformer la santé, qui aujourd'hui hésite entre bien privé et bien public, en un véritable commun mondial. C'est ça qu'il faut inventer. C'est-à-dire que les lois économiques et la façon de procéder est capable d'intégrer les leçons de l'histoire d'une certaine façon. Oui, c'est ça qu'il faut faire, exactement. Ça contredit donc Georges Bataille, que je lisais récemment, qui écrit ceci: nous avons tendance à considérer que sont intangibles les règles que nous avons nous-mêmes créées, et nous préférons aller au bout des sociétés qui les ont constituées plutôt que de les changer. Oui, c'est une énorme erreur. C'est une erreur. On est capable de changer, de s'adapter. J'en suis convaincu. Ça, c'est un vieil, c'est une vieille, enfin, c'est la grande expérience chrétienne. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez relire aujourd'hui le récit de l'ascension du Christ ressuscité qui disparaît au ciel, alors que ce que lui demandent ses apôtres, c'est enfin de s'asseoir sur le trône de David et de restaurer la monarchie et de bouter dehors les envahisseurs romains. Et le Christ refuse ça. Donc, il laisse le trône de David vide. Il n'y a plus personne sur le trône. Autrement dit, il nous laisse dans la responsabilité. Alors, écrasante pour certains, mais très libératrice pour d'autres, d'avoir à inventer le schéma institutionnel qui va occuper le lieu vide du pouvoir, du trône de David, laissé vacant par Dieu. Et nous, nous sommes renvoyés à notre liberté pour créer, à partir de rien, les institutions avec lesquelles nous allons nous gouverner. C'est ça la démocratie, fondamentalement. Dans un travail de délibération jamais terminé, toujours en cours et toujours en gestation de la prochaine figure institutionnelle que nous allons inventer. Dès lors que j'absolutise les règles qui ont été construites par mes pères, mes prédécesseurs, alors j'entre dans l'idolâtrie, c'est-à-dire que j'absolutise une règle qui, au fond, était celle qui a servi la génération d'avant, mais que, probablement, j'ai besoin de réformer pour l'adapter aux problèmes auxquels je fais face aujourd'hui. Alors, vous avez été, pendant le confinement, interrogé sur ce qu'on appelle le fiasco sanitaire. Oui. Et votre réponse a été de dire qu'il était d'abord dû à une culture comptable qui confond toujours la gestion de bons pères de famille avec celle d'une nation. Non, dites-vous, la macroéconomie n'est pas de la microéconomie élargie, car les dépenses des uns y font les revenus des autres, ce qui n'est pas vrai pour un ménage ou une entreprise. Oui, tout à fait. Alors d'abord, le fiasco sanitaire, il faut rappeler, c'est qu'on aurait très bien pu éviter le confinement. Des pays l'ont fait. Singapour a évité le confinement, Taïwan, la Corée du Sud. Ils étaient beaucoup mieux préparés que nous. Alors certainement parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la Chine. Donc ils ont tiré les leçons des précédents épisodes de coronavirus. Et nous, nous avions tiré ces leçons-là. Hein. En 2007, on avait construit un établissement de prévoyance et de réponse aux urgences sanitaires que malheureusement, nous avons petit à petit vidé de son contenu en le privant de budget. Donc c'est ça que je dénonçais dans cette interview, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de culture comptable qui dit un stock, c'est quelque chose qui ne rapporte rien dans l'immédiat. Et on a transformé l'idée d'une gestion prudente de l'avenir en il faut absolument maximiser le rendement immédiat de tout ce que nous faisons. Pour les actionnaires, typiquement. Voilà. Alors là-dessus vient se greffer en plus une confusion majeure, ce qui croit que voilà, la macroéconomie d'un État, c'est la même chose que la gestion de bon père de famille d'une famille. Et en vérité, c'est pas vrai du tout. Donc pour prendre un exemple, hein, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de déflation en Europe, essentiellement, surtout en Europe du Sud, dans laquelle il y a un excès de dette privée. Et le seul acteur économique qui peut continuer de dépenser, d'investir, c'est l'État, qui peut augmenter encore sa dette publique. Il n'est pas si endetté que ça. On va être à 120% à la sortie de la pandémie. Le Japon est à 250%, il n'est pas mort. 120% du PIB, 250% du PIB, le Japon n'est pas mort. En revanche, c'est impossible de demander à l'État de se désendetter d'abord et ensuite au secteur privé. Ça ne marche pas. Pour des raisons macroéconomiques, que je peux expliquer en 30 secondes, très très simple. Supposons que vous et moi, Étienne, nous constituons l'économie France. Nous avons tous beaucoup de dettes. Et nous sommes convaincus, parce que c'est ce qu'on raconte à la radio tous les jours, qu'il faut se désendetter à tout prix. Parce qu'on est responsable, quand on a des dettes, on les paie, etc. Donc là, on rajoute une couche morale, on joue de cette ambiguïté en allemand entre Schuld. La faute et la dette. La faute et la dette, voilà. Et donc, on culpabilise le débiteur. Alors qu'on pourrait aussi culpabiliser le créancier qui a fait du mauvais crédit. Je ferme cette parenthèse. Donc, supposons que nous ayons beaucoup de dettes et que tous les deux, nous essayons de nous désendetter simultanément. Alors, nous allons tous les deux vendre nos actifs. Par exemple, je sais pas quoi, une maison à la campagne, des actifs financiers, un portefeuille, bon, pour récupérer du cash, pour pouvoir rembourser nos dettes. Mais si nous sommes vraiment tous les deux l'économie France, alors nous sommes tous vendeurs. Et donc le prix des actifs va s'effondrer, puisque plus personne n'achète. Et supposez que vous ayez réussi à réduire votre dette nominale de 10%, mais que dans le même temps, le prix général, le niveau général des prix des actifs est baissé de 15%. En réalité, votre dette a augmenté. Le poids réel de la dette a augmenté. Donc en remboursant, on augmente sa dette. Exactement. Et donc ce paradoxe-là, qui n'a aucun sens pour un ménage, devient malheureusement une réalité au niveau macroéconomique quand je fais le bouclage, quand je tiens compte du fait que vous et moi, nous constituons l'économie. Et que si plus personne n'achète, les prix s'effondrent. Vous voyez ? Donc c'est ce genre de paradoxe qui est bien connu des économistes, de certains économistes en tout cas, depuis les années 30, puisque c'est là-dedans que l'Europe a sombré dans les années 30, après l'épisode très très malheureux d'austérité budgétaire en Allemagne, mis en œuvre par le chancelier Heinrich Brüning de 1930 à 1933, épisode qui a enfoncé l'Allemagne dans la déflation et qui a débouché sur quoi ? Évidemment, l'élection d'un clown qui promettait des lendemains qui chantent à une population désespérée, qui s'appelait Adolf Hitler. Aujourd'hui, en Europe, on est exactement dans la même mécanique. On est criblé de dettes privées, pas publiques, mais privées. On n'a plus d'inflation, on n'a plus de croissance. Et on a surtout ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie qui baisse doucement, tout simplement parce que l'économie entre dans la grande paralysie de la déflation. Le résultat de politique de ça, ce sera évidemment des sorties de route antidémocratiques. On les voit déjà poindre. En France, on a quand même le Rassemblement National qui est à 28% des intentions de vote au premier tour en 2022 et le Rassemblement National qui est à 45% contre Emmanuel Macron au deuxième tour en 2022. Donc qui entre dans la marge d'erreur, la marge d'incertitude des sondages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est capable de gagner les élections au deuxième tour en 2022 si on continue. C'est ça que ça veut dire. Et ça n'a rien d'étonnant. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait rien pour lutter contre la déflation, on s'enfonce dans un schéma dont la fin est connue. C'est celui que nous avons connu dans les années 30. Mais ce que vous proposez, Gaël Giraud, c'est une sorte de révolution, finalement. Oui, c'est une révolution. Quelles sont les mesures principales que vous proposez en matière économique et en matière d'investissement, disons ? Alors, pour tenir compte à la fois des défis écologiques qu'on a discutés, et puis des contraintes, disons, de l'économie institutionnelle. Alors, du côté de la dépense, c'est assez clair. Ce sur quoi il faut mettre de l'argent aujourd'hui, c'est, disons, les grands plans qui existent depuis plusieurs années, sur lesquels on avait travaillé avec le précédent gouvernement. Les grands plans de transition énergétique en France, rénovation thermique des bâtiments, mobilité verte, donc réhabilitation du train, d'un train propre. Ferroutage, fret, réaménagement du territoire, de manière à faire des économies d'énergie dans les villes, fin de l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire dans laquelle vivent les deux tiers des Français aujourd'hui, etc., etc. Ça, c'est du côté de la dépense. C'est relativement bien maîtrisé, en tout cas, par un certain nombre d'ingénieurs et d'économistes. Mais, évidemment, la grande question, c'est comment est-ce que vous financez tout ça ? Et là, arrivent les pères de la rigueur qui vous disent « Vous êtes gentil, mais en fait, c'est juste pas possible, on n'a pas l'argent. » Ce qui est faux. Mais peut-être les gens, pour faire, par exemple, la rénovation thermique, est-ce que les gens capables de le faire sont là ? Bien sûr, vous ne demandez pas aux ménages de le faire. La plupart des ménages sont incapables de le faire. Mais l'État est tout à fait capable de mettre la garantie publique. On a mis 300 milliards de garanties publiques pendant le confinement pour sauver nos entreprises. Dont seulement 100 milliards ont été appelés, tout simplement parce que nos entreprises ont déjà trop de dettes. Bon. On peut utiliser les 200 milliards qui restent, notamment, et on peut faire encore beaucoup d'autres choses avec ça, pour favoriser le crédit bancaire auprès des collectivités locales, de manière que les collectivités locales financent, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments publics. Et après, ce qui est un peu plus difficile, vous passez à la rénovation thermique du résidentiel privé. Ça crée énormément d'emplois, ça diminue notre dépendance au pétrole, dont on a parlé il y a quelques minutes, à cause de la question du pic pétrolier. Ça améliore la balance commerciale française, dont le déficit, 70 milliards, est à peu près égal à la facture pétrolière de nos importations en pétrole. Et ça revitalise complètement les centres-villes de toutes nos petites villes de province, dont les centres-villes sont complètement déshérités aujourd'hui. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tous, cette affaire-là. Mais c'est des propositions que j'avais faites à Emmanuel Macron quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2014, déjà. Mais vous êtes quelqu'un de rationnel, vous êtes très éloquent, très convaincant. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche que ces solutions soient adoptées ? Le blocage majeur, à mon avis, c'est un blocage qui est lié... Alors, il y en a deux, si vous voulez. Du côté des industries, les entreprises, nos entreprises sont corsetées et étouffées par la pression actionnariale. Des fonds communs de placement, BlackRock et beaucoup d'autres, évidemment, qui montent au capital d'une entreprise et qui exigent du jour au lendemain 10% de rendement sur action, en se fichant éperdument du modèle d'entreprise, du business model de l'entreprise en question. Quand vous êtes dans une économie qui n'a plus de croissance, comment voulez-vous qu'une entreprise normale puisse cracher du 10% de rendement sur action tous les ans ? C'est juste impossible. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un certain nombre de grands groupes qui s'endettent aujourd'hui pour pouvoir financer les dividendes qu'ils versent à leurs actionnaires. Ce qui est un non-sens absolu du point de vue économique. Alors là, pour le coup, du point de vue de la bonne gestion de père de famille, c'est absolument absolument stupide. Et c'est très dangereux, évidemment, pour le business de l'entreprise. Et donc, quand j'ai discuté avec les capitaines d'industrie français, il y en a beaucoup qui me disent, mais Gaël, moi, je serais ravi d'investir dans les infrastructures vertes, de verdir mon entreprise pour de bon et d'arrêter de faire du greenwashing. Simplement, je ne peux pas parce que je suis étranglé par les actionnaires et en particulier les fonds communs de placement qui exigent des rendements exorbitants que je ne pourrais jamais réaliser si je me lance dans la transition. Parce que la transition, ça coûte, ça prend du temps, ça ne va pas rapporter tout de suite, etc. Enfin oui, c'est un projet de société de long terme. Ce n'est pas du rendement immédiat. Donc ça, c'est un premier aspect, à mon avis, qui bloque beaucoup. C'est-à-dire que notre industrie est tuée petit à petit par la pression actionnariale. Et donc, il faut la libérer de cette pression pour que nos chefs d'entreprise redeviennent ce qu'ils sont. C'est-à-dire des vrais chefs d'entreprise qui pensent à un business model de moyen et long terme. Et puis, il y a un deuxième grand obstacle qui est... Alors ça, c'est plutôt du côté des actions, si je puis dire. Il y a un deuxième grand obstacle qui est plutôt du côté des obligations, ou en tout cas du crédit bancaire, qui est double. Le premier, c'est que beaucoup de nos grandes banques ont financé, disons, la grande consommation de masse française d'après 1945, qui était construite sur le pétrole. Et ont gardé dans leur bilan des centaines de milliards d'actifs qui sont liés aux hydrocarbures fossiles. Charbon, pétrole, gaz. Si demain matin nous faisons la transition, ce qui va passer tôt ou tard par le décret que le charbon ne vaut plus rien, c'est-à-dire que plus personne ne brûle du charbon, c'est fini. À ce moment-là, les actifs liés au charbon, leur valeur de marché va tomber à zéro. Ça, ça va creuser des trous noirs dans les bilans des banques. Pareil pour le pétrole et... Pareil pour le pétrole et pareil pour le gaz. Parce que le méthane, contrairement à ce qu'on a raconté pendant des années, le méthane a aussi un pouvoir, disons, réchauffant, radiatif, qui est très fort. Bon. En tout cas, pendant les premières années de son séjour dans l'atmosphère. Et donc, nos banques qui savent compter, elles ont beaucoup de défauts, mais elles n'ont pas celui de ne pas savoir compter, savent que si demain matin, on fait ce que le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, McCarney, en 2015, avait appelé le risque de transition, c'est-à-dire on passe brutalement à une économie décarbonée dans laquelle le charbon, le pétrole et le gaz ne valent plus rien, elles sont quasiment toutes en faillite. Toutes les banques. Alors pas les petites banques récentes, comme par exemple Triodos, qui est une banque néerlandaise, qui ne finance que du vert, qui a un bilan remarquable, puisqu'elle a 20% de fonds propres, et une échelle de salaire de 1 à 5 parmi ses salariés. Donc c'est la banque exemplaire. Mais nos grandes banques traditionnelles, la quasi-totalité, sont en faillite. C'est une sorte de blocage systémique. Oui, absolument. Qui empêche que la transition puisse se faire avec le soutien des banques. Exactement. Or, on a besoin du secteur bancaire pour financer la transition. Donc si le secteur bancaire n'est plus là pour financer, si par ailleurs nos entreprises sont bloquées au sol par des actionnaires qui veulent tout de suite du rendement, ce qui est impossible à délivrer, ça ne peut pas avancer. Et le politique, lui... quelquefois il est courageux, il essaie de secouer le cocotier, mais la plupart du temps il écoute ce que lui disent les banques, les chefs d'entreprise, et il se dit bon ben on reportera à demain le moment des grandes décisions courageuses. Vous voyez, donc c'est ça qui fait que notre société est complètement bloquée de mon point de vue. Comment est-ce qu'on sort de ça? Il y a quand même des solutions. Du côté de l'actionnariat, c'est l'énorme question de la gouvernance de nos entreprises. Donc ça, c'est, il faut réviser, disons, les articles 1832-1833 du code civil qui disent essentiellement que, d'abord, que l'entreprise, ça n'existe pas. Le mot entreprise n'y est pas. Ce qui existe, c'est une société de capitaux. Et qui donc entretient l'illusion que la société de capitaux est la propriété privée de ses actionnaires. Il faut redire dans le droit qu'une entreprise, c'est d'abord un projet collectif. En vérité, c'est un commun. C'est un projet collectif d'utilité sociale avec des parties prenantes qui ont toutes leur mot à dire. Et donc, il faut pouvoir imposer par la loi, par exemple, quelque chose de l'ordre de la codétermination, la Mitbestimmung allemande, dans laquelle les salariés pèse dans au conseil d'administration au moins autant que les actionnaires, de manière à imposer une autre logique que celle du rendement exorbitant à court terme dans laquelle sont piégées les entreprises aujourd'hui. Ça, c'est du côté de l'entreprise. Donc c'est un sujet de réforme de la gouvernance de nos grandes entreprises, dont par exemple Isabelle Kocher, à la tête d'Engie, a été la victime. Isabelle Kocher, grande patronne d'industrie, a essayé d'imposer un nouveau business model à Engie, elle s'est fait vider par ses actionnaires. Donc c'est ce type de tragédie-là qu'il faut arrêter complètement, pour pouvoir redonner un vrai sens industriel à notre industrie. Et puis de l'autre côté, du côté des banques, il faut trouver un moyen pour libérer nos banques de leurs actifs pourris, puisqu'en vérité, leurs actifs liés aux hydrocarbures fossiles sont, à la période d'aujourd'hui, ce qu'étaient les actifs subprime en 2008, c'est les actifs qui ne valent plus rien, qui aujourd'hui sont complètement survalorisés par le marché, mais c'est une énorme défaillance de marché qui est liée à une bulle, c'est la bulle carbone, qui vaut plusieurs milliers de milliards au niveau mondial. Donc la question, c'est comment vous libérez nos banques de ces métastases cancéreuses qui les empêchent d'agir et qui les condamnent à faire du greenwashing. Par exemple, en 2009, un certain nombre de banques françaises se sont converties apparemment à ce qu'on appelle les green bonds, donc les obligations vertes. En vérité, ça a été très bien montré par Julien Le Fournier et Ivar Eklund, que vous connaissez. Les green bonds n'ont rien de vert, enfin ne sont ni plus verts ni plus bruns que n'importe quelle obligation. Donc elles ont juste été repeintes en vert. Mais en réalité, c'est des obligations complètement interchangeables avec les obligations précédentes. Donc tout ça, c'est du greenwashing. Pourquoi est-ce que nos banques font du greenwashing comme ça? Parce qu'elles sont condamnées, tant qu'elles portent dans leur bilan des actifs liés aux hydrocarbures fossiles, elles sont condamnées à faire semblant. Alors, là où c'est malheureux, c'est que malheureusement, nos banques continuent d'aggraver leur cas en continuant de prêter davantage aux hydrocarbures fossiles aujourd'hui qu'aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est le rapport d'Oxfam d'il y a 2 ans qui montrait que pour 10 euros de crédit bancaire aux énergies en France, vous en avez 7 pour les hydrocarbures fossiles et 3 seulement pour le renouvelable. Et donc la question, c'est comment aujourd'hui vous débarrassez les banques de leur métastase. Il y a en gros 3 grandes options. Et celle du milieu est l'option que je favorise. Vous avez une option qui est de dire on va faire une banque de défaisance, comme on a fait en 2009, donc ce qu'on appelle une bad bank en anglais, et qui va être financée par le public, donc par vous et moi, le contribuable, et qui va racheter au prix fort aux banques leurs actifs pour les débarrasser de ça, et qui ensuite elle-même va entretenir la fiction qu'elle sera capable de revendre ses actifs, dont plus personne ne voudra, puisqu'en principe, plus personne ne doit brûler du charbon, du pétrole ou du gaz. Ça, c'est la solution la plus injuste, parce que, en gros, ça revient à dire le prix de la transition énergétique va être payé par le contribuable, c'est-à-dire par vous et moi, au plus grand bénéfice des banques. L'autre grande option, c'est d'attendre que la transition se fasse, mais on risque d'attendre beaucoup trop longtemps, qui va prononcer la faillite des banques, et là, de cueillir les banques qui seront en faillite et de les nationaliser. Donc ça, c'est une option plutôt anti-banque, mais qui, en plus, ne résout pas le problème, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas la transition. La solution que je favorise, moi, est intermédiaire entre les deux. Elle est de dire, au fond, aujourd'hui, nous avons une institution qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui fait des choses complètement hétérodoxes, qui consistent à racheter des milliards sur les marchés d'actifs, souvent de très mauvaise qualité, pour pouvoir inonder nos banques de milliers de milliards, même à taux négatif aujourd'hui, pour les sauver. Parce qu'une banque ne fait jamais faillite pour une question de solvabilité, elle fait toujours faillite, in fine, dans une crise de liquidité. Alors, ce que fait la BCE depuis au moins 2015, en vérité, c'est d'empêcher la crise de liquidité. Donc, elle noie nos banques sous des tombereaux de liquidité. Aujourd'hui, à taux négatif, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment Noël tous les jours pour les banques. En leur donnant des milliers de milliards et en les payant pour qu'elles les empruntent. Voilà. Alors, moi, ma proposition, c'est de dire, mais au fond, la BCE, elle a un pouvoir de création monétaire ex nihilo, qui ne lui coûte rien, et sur lequel nous sommes d'accord, parce qu'on n'a quand même pas encore dépouillé la BCE de ce pouvoir-là. Elle pourrait racheter des actifs pourris des banques privées en créant de la monnaie, certainement pas en allant chercher cet argent sur les comptes de dépôt des déposants, de vous et moi, en créant de la monnaie à un prix qu'il faut négocier et qu'il faut évidemment conditionner à la vertu verte des banques. C'est-à-dire on dit aux banques, écoutez, on va vous débarrasser de votre cancer, on fait une opération chirurgicale, ça va coûter zéro à quiconque, puisque ça va être de l'argent qui va être créé ex nihilo par la Banque Centrale Européenne. En revanche, à partir de demain, vous êtes prié d'être vertueuse et de financer vraiment la transition écologique. Et Giraud, vous êtes extrêmement convaincu, très engagé. Oui. Et je reviens à la question que je voulais vous poser au tout début. Comment est-ce que vous avez arrivé à concilier votre vie de prêtre et votre vie d'économiste, oui, sachant que l'économie a l'air de vous prendre beaucoup de votre temps réflexif? Oui, mais je fais aussi de la théologie, donc je vais soutenir une thèse de théologie bientôt. De mon point de vue, en fait, il y a une articulation très profonde entre les deux. D'abord parce que, comme j'ai essayé de le dire, l'économie contemporaine mainstream, c'est de la mauvaise théologie. La plupart des économistes néoclassiques sont des grands adorateurs des dieux marchés, donc c'est des grands prêtres païens, en fait, d'une religion païenne qui continue de nous habiter. Et si vous voulez, pour reprendre la métaphore du trône vide de David, dont je parlais tout à l'heure, en fait, on a installé sur le trône les marchés financiers, à qui on attribue toutes les caractéristiques de Dieu, de la théologie classique. Ils sont omnipotents, omniscients, bienveillants, et la meilleure chose qu'on aurait à faire, c'est d'obéir à ce que pensent les marchés financiers. Pour avoir moi-même travaillé sur les marchés financiers avant de devenir jésuite, puisque j'ai été ce qu'on appelle quant, c'est-à-dire conseiller scientifique, je faisais des maths pour les traders sur les marchés financiers, je peux vous garantir que les marchés financiers sont tout sauf omniscients, rationnels et bienveillants. Vous dites que les marchés financiers sont profondément inefficients, irrationnels, traversés par des bulles spéculatives et des mouvements erratiques qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle. On ne peut pas demander aux marchés financiers de prédire l'avenir, ils en sont incapables. Oui, c'est clair. C'est le mot de la fin. C'était un plaisir de vous recevoir, Gaël Giraud. J'espère que vos recommandations seront davantage écoutées, si elles ne sont pas suffisamment. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Bouchamp, à la technique Jean-Guilain Meige et à la réalisation Delphine Lemaire.